Marie d'Alain Garot, lu par K00 pour Audacity.net. Quand le bémol n'est pas celui qu'on pense. C'est arrivé un soir, mon épouse voit l'œil blanc de Marie et panique. Toutes deux filent chez le médecin, et comme on ne blague pas avec ces choses-là, vous devinez la suite. Direction, les urgences ophtalmologiques. Nous lui avions pourtant bien dit de faire attention, ne pas se frotter les yeux, mais elle avait trop mal, ça la piquait. Que pouvions-nous faire de plus? D'autant qu'elle n'a jamais été gâtée par la vie. Marie, avec sa naissance sous X, sa spécificité chromosomique constatée, ses opérations du cœur, puis, bien plus tard, la pose d'un pacemaker. Cela fait tant de fois, depuis ces 22 années qu'elle est avec nous, qu'une épreuve s'annonce pour elle, celle d'une cécité possible, d'un œil d'abord, celui-là même qui est touché, puis de l'autre par la suite. Mais on n'ose pas trop y penser. Du reste, si le kératocone est aigu et que l'un des yeux ne voit déjà plus, l'autre œil peut encore être préservé avec un suivi régulier. Et c'est bien pour cela que nous sommes ici, en cette fin d'après-midi, au moment même où les minibus sont alignés, prêts à reconduire chez eux les externes, comme Marie. Sauf que Marie ne partira pas ce soir avec eux. Nous avons un rendez-vous pour ses yeux. Plantés là, au beau milieu de cette cour des miracles, à quelques pas seulement de la rue du Maréchal-Juin, nous attendons la sortie des gens du foyer. Passe un ami qui, s'apercevant qu'on l'a vu, ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Poignée de main, vous allez bien, très bien, et vous-même, bien, merci. Formalité accomplie. L'ami va repartir, quand un cri l'amène à se retourner. C'est Marie qui arrive, dans toute sa splendeur d'adulte libérée, qui court vers nous comme un canard joyeux. Le large sourire de Marie, qui ne le connaît pas. Et puis, ces toutes petites phrases qu'elle dit spontanément, à la façon dont elle le fait tous les jours, depuis qu'elle a su parler. Une phrase entendue à chaque fois qu'on n'avait pas le moral, et qu'elle le sentait. « Je t'aime, » dit-elle, en s'approchant de lui. Un peu trop, sans doute. Comme un cheval effrayé, l'ami s'est cabré. Selon toute vraisemblance, on ne lui a jamais parlé ainsi. Il faut comprendre, il ne connaît pas Marie. Nous lui avions bien raconté sa vie quand il était venu à la maison, mais Marie était petite, elle ne parlait pas encore. Trop préoccupé alors par son master en stratégie de communication internationale, il n'avait pas d'utilité, cette fois. Il est servi. Coincé entre Marie et nous, il n'ose s'esquiver, bien qu'il en meure d'envie. Mais c'est trop tard. Les autres éclopés arrivent, les fauteuils roulants défilent, avec toujours ces mêmes cris de joie. Ces mots baragouinés, ses bras tendus, vers la chauffeuse, comme dirait Marie. Devant tant de bonheur exprimé, aussi simplement, nous avons le cœur touché. Les larmes nous viennent aux yeux. Certains osent nous dire que nous avons bien du mérite. Les pauvres. S'ils voyaient la chance que nous avons, ils se feraient tout petits. Marie, c'est un soleil qui ne se couche jamais. Marie, savez-vous, s'est définie elle-même un jour en prononçant mal le nom de son anomalie. Moi, nous a-t-elle dit, je suis une fille très unique, au lieu de trisomique, bien sûr, pour ceux qui ne connaîtraient que les gogoles. Et depuis 22 ans, le soleil brille sur nos jours. Même si le soleil ne le sait pas. Arrive alors cette formidable claque que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Elle nous a fait bien rire. Elle aurait pu nous faire pleurer. Notre ami, qui ne masque pas sa gêne face à ces êtres anormalement uniques, s'approche soudain de nous, prend son air grave et nous dit le plus sincèrement du monde. Ah, c'est bien malheureux tout ça.